La méditation dans tous ses détails est pratique. Introduction à la méditation. La méditation, une pratique ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, revêt une signification profonde dans notre monde moderne rythme effréné. Cette section d'introduction vise à faire la lumière sur les diverses facettes de la méditation, en dévoilant sa véritable essence et en explorant ses diverses pratiques. La méditation englobe un éventail de techniques conçues pour provoquer un état de conscience profonde, de calme intérieur et de découverte de soi. Tout au long de cet article, nous allons nous plonger dans les origines, les avantages, les techniques et les défis de la méditation. Que vous soyez un novice cherchant à se lancer dans un voyage de méditation ou un praticien expérimenté cherchant à approfondir votre pratique, ce guide complet vous fournira les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer dans le domaine de la méditation avec confiance et clarté. Alors, lançons-nous dans cette exploration éclairante de la méditation dans tous ses détails et pratiques. Qu'est-ce que la méditation? Ah, la méditation. Le simple mot peut évoquer des images d'individus sereins assis les jambes croisées, les yeux fermés, trouvant la paix intérieure et la tranquillité. Mais qu'est-ce que la méditation exactement? Eh bien, mon ami, permettez-moi de vous éclairer. À la base, la méditation est une pratique qui consiste à entraîner l'esprit à se concentrer et à rediriger ses pensées. C'est comme un entraînement pour votre cerveau, mais sans les taches de sueur. Grâce à diverses techniques et pratiques, la méditation nous permet de calmer le bavardage dans notre esprit et de cultiver un plus grand sens de la conscience et de la clarté. Origine et histoire de la méditation. Me croiriez-vous si je vous disais que la méditation existe depuis des milliers d'années? Non, ce n'est pas une nouvelle tendance bien-être qui vient d'apparaître. Les origines de la méditation remontent aux civilisations anciennes de l'Inde, de la Chine et d'autres parties du monde. La pratique de la méditation a été profondément liée aux traditions religieuses et spirituelles à travers l'histoire. Du bouddhisme à l'hindouisme en passant par le taoïsme, la méditation a joué un rôle important dans ces cultures en tant que moyen de se connecter avec quelque chose de plus grand que nous. Le rôle de la méditation dans différentes cultures. Saviez-vous que la méditation n'est pas limitée à une culture ou une religion spécifique? C'est comme un langage universel que les gens de tous horizons peuvent adopter. Dans les traditions bouddhistes, la méditation est considérée comme un chemin vers l'illumination et la libération de la souffrance. Dans l'hindouisme, c'est un moyen d'atteindre la réalisation de soi et de se connecter avec le divin. Même dans les milieux laïcs, la méditation est reconnue comme un outil puissant pour réduire le stress et favoriser le bien-être général. Comprendre le concept de méditation. La connexion corps-esprit dans la méditation. Bon, soyons un peu scientifiques ici, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous ennuyer. La méditation ne consiste pas seulement à rester assis et à ne rien faire mais exploite en fait la connexion corps-esprit, qui est la façon élégante de dire que nos pensées et nos émotions peuvent avoir un impact sur notre bien-être physique. Lorsque nous méditons, non seulement nous entraînons notre esprit, mais nous sensibilisons également notre corps. Nous devenons plus en phase avec nos sensations, nos sentiments et même notre respiration. C'est comme appuyer sur le bouton de rafraîchissement pour tout notre être. Explorer le but et les objectifs de la méditation. Pourquoi les gens méditent-ils? Demandez-vous. Eh bien, les raisons sont aussi diverses que les couleurs d'un coucher de soleil. Certains méditent pour trouver la paix intérieure et réduire l'anxiété. D'autres le font pour améliorer leur créativité ou améliorer leur concentration. Et n'oublions pas ceux qui recherchent la croissance spirituelle et l'illumination. Quel que soit le but recherché, la méditation offre un moyen de prendre du recul par rapport à l'agitation de la vie et de se reconnecter à nous-mêmes à un niveau plus profond. C'est comme appuyer sur pause dans un monde qui ne s'arrête jamais. La science derrière la méditation. qui n'aime pas à peu de science. Il s'avère qu'il existe en fait un nombre croissant de recherches qui soutiennent les avantages de la méditation. De l'amélioration des fonctions cérébrales à la réduction des hormones du stress, la science a montré que la méditation peut avoir un impact positif sur notre bien-être physique et mental. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'une blouse de laboratoire pour en ressentir les avantages. Tout ce dont vous avez besoin est une volonté d'essayer et de voir par vous-même ce que la méditation peut faire pour vous. Différents types et techniques de méditation. Méditation de pleine conscience. Ah, la méditation pleine conscience, la star du monde de la méditation. Cette technique populaire consiste à concentrer votre attention sur le moment présent, sans jugement. Il s'agit d'être pleinement conscient de vos pensées, sensations et émotions. Pas besoin de canaliser votre yogi intérieur ou de vous asseoir dans une position de bretzel. Trouvez simplement un endroit confortable, fermez les yeux et embrassez le présent. Méditation sur l'amour bienveillant. Si vous cherchez à saupoudrer un peu plus d'amour et de gentillesse dans votre vie et qui ne le fait pas, alors la méditation sur l'amour bienveillant est faite pour vous. Cette pratique consiste à diriger des pensées positives et des vœux vers vous-même et les autres. C'est comme envoyer de bonnes vibrations dans le monde, une séance de méditation à la fois. Méditation transcendantale. La méditation transcendantale, ou NT en abrégé, est comme un joyau rare sur le bloc de méditation. Rendue populaire par les célébrités, cette technique consiste à répéter silencieusement un mantra pour atteindre un état de relaxation profonde et de transcendance. Considérez-la comme des vacances mentales où le stress et les soucis passent au second plan et où le calme intérieur prend le volant. Visualisation guidée. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez libre cours à votre imagination. La méditation de visualisation guidée consiste à utiliser l'œil de votre esprit pour imaginer des scènes paisibles ou des scénarios positifs. C'est comme prendre des vacances mentales à votre plage préférée où vous imaginez en train de faire cette grande présentation. C'est comme regarder un film dans votre esprit, avec vous en tant que héros. Avantage de la pratique régulière de la méditation. Avantage pour la santé physique. Il s'avère que la méditation n'est pas seulement bonne pour l'âme. C'est aussi un booster corporel total. La pratique régulière de la méditation a été associée à une pression artérielle réduite, à une fonction immunitaire améliorée et à un meilleur sommeil. C'est comme un guichet unique pour tous vos besoins de santé physique, moins les longues files d'attente et la musique ennuyeuse. Bien-être mental et émotionnel. Dans le monde de la méditation, le bien-être mental et émotionnel occupe une place centrale. C'est comme avoir votre propre thérapeute personnel, moins la lourde facture. Avec une pratique régulière, la méditation peut aider à réduire l'anxiété, à gérer le stress et même à atténuer les symptômes de la dépression. C'est comme un bouton de réinitialisation mentale qui vous permet de naviguer avec un peu plus de facilité dans les hauts et les bas de la vie. Amélioration de la focalisation et de la concentration. Votre esprit bourdonne-t-il constamment d'un million de pensées? Bienvenue au club. Heureusement, la méditation peut aider à apprivoiser cet esprit de singe et à améliorer votre capacité à vous concentrer. Considérez-la comme un entraînement mental qui renforce votre muscle attentionnel. Ainsi, la prochaine fois que vous vous surprendrez à faire le vide pendant une réunion, imputez simplement cela à votre absence de méditation. Réduction du stress et relaxation. Stress, je te présente ton ennemi, la méditation. En cultivant assidûment cette pratique, vous pouvez réduire votre niveau de stress et découvrir un monde de relaxation. C'est comme s'envelopper dans un peignoir douillet après une longue journée ou s'abandonner à la douceur d'un oreiller moelleux. Ainsi, la prochaine fois que la vie vous lancera une courbe, saisissez votre coussin de méditation et trouvez votre sérénité. Guide étape par étape pour démarrer une pratique de méditation. Création d'un environnement approprié. En matière de méditation, votre environnement peut faire toute la différence. Trouvez un espace calme et confortable où vous ne serez pas facilement dérangé. Il peut s'agir d'un coin confortable de votre maison ou d'un endroit serein dans la nature. Envisagez d'ajouter des éléments comme un éclairage doux ou des parfums apaisants pour améliorer l'ambiance. Et n'oubliez pas un coussin ou une chaise confortable pour vous asseoir, car avouons-le, les fesses engourdies ne sont pas propices à la méditation profonde. Établir une routine de méditation régulière. La cohérence est la clé de la méditation. Commencez par réserver un moment précis chaque jour pour votre pratique. Que ce soit le matin ou avant le coucher, trouvez un moment qui vous convient. Commencez par des séances plus courtes, en augmentant progressivement la durée au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Traitez votre pratique de méditation comme un rendez-vous avec vous-même. Car, soyons honnêtes, vous en valez la peine. Technique de respiration pour la méditation. La respiration est la colonne vertébrale de la méditation. Commencez votre pratique en vous concentrant sur votre respiration. Prenez des respirations lentes et profondes, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Faites attention à la sensation de respiration entrant et sortant de votre corps. Si votre esprit commence à vagabonder et croyez-moi, il le fera, ramenez doucement votre concentration sur votre respiration. Tout comme avec ce pot de crème glacée que vous vous êtes promis de ne pas finir, il s'agit de revenir au moment présent. Gérez les distractions et l'agitation. Les distractions sont aussi inévitables que ce collègue ennuyeux qui vole toujours votre déjeuner. Lorsque votre esprit commence à vagabonder, reconnaissez la distraction sans jugement et ramenez doucement votre attention vers votre méditation. Si l'agitation se manifeste, ce qui arrive souvent, essayez de vous concentrer sur les sensations physiques de votre corps ou de répéter un mantra apaisant. Et rappelez-vous, ne vous en faites pas pour un esprit vagabond. Nous avons tous ces jours où nos pensées ressemblent à un écureuil sous caféine. Surmonter les défis et maintenir la cohérence dans la méditation. Gérer la résistance et les doutes. Commencer une nouvelle habitude n'est jamais facile. Vous pourriez rencontrer de la résistance ou des doutes en cours de route. Il est naturel de se demander si vous le faites correctement ou si cela en vaut la peine. Rappelez-vous que la méditation est un voyage, pas une destination. Embrassez le processus, embrassez les doutes et donnez-vous la permission d'être un débutant. N'essayez pas d'être le prochain Bouddha, juste une version légèrement plus calme de vous-même. Surmontez les obstacles courants. La vie a une façon de jeter des obstacles sur nos chemins, comme ce petit Lego sur lequel vous marchez toujours. Le manque de temps, les horaires chargés et les défis inattendus peuvent rendre difficile le maintien de la cohérence dans la méditation. Mais n'oubliez pas que même quelques minutes de méditation peuvent avoir un impact positif. Soyez donc flexible, adaptez votre pratique à votre situation actuelle et sachez que chaque moment de pleine conscience compte, même si ce n'est que pendant votre trajet quotidien ou une courte pause aux toilettes. Trouvez une motivation pour une pratique à long terme. Restez motivé dans n'importe quelle entreprise peut être un défi. Pour continuer votre pratique de la méditation, rappelez-vous les bienfaits que vous avez ressentis jusqu'à présent. Peut-être avez-vous remarqué un plus grand sentiment de calme ou une meilleure concentration. Fixez-vous des objectifs réalistes et récompensez-vous de vous y tenir. Trouvez l'inspiration dans les histoires de méditants chevronnés ou rejoignez une communauté de soutien à la méditation. Et si tout le reste échoue, soulagez-vous avec du chocolat. Car soyons honnêtes, le chocolat résout tout. Explorez les pratiques de méditation avancées. Approfondissement de la méditation par le mantra et le chant. prêt à faire passer votre méditation au niveau supérieur? Les mantras et le chant peuvent être des outils puissants pour approfondir votre pratique. Répétez un mot ou une phrase qui a une signification personnelle pour vous, lui permettant d'ancrer votre attention. Le chant peut également aider à créer un état méditatif en concentrant l'esprit et en relâchant l'attention. Assurez-vous simplement que vos voisins sont d'accord avec une petite séance de bain sonore, ou investissez dans des écouteurs anti-bruit, à vous de choisir. Explorez la méditation basée sur l'énergie. Les pratiques de méditation basées sur l'énergie puisent dans l'énergie subtile ennouillée autour de nous. Des techniques comme le Reiki, le Qigong ou la méditation Kundalini fonctionnent avec les centres énergétiques du corps, ou chakras, pour favoriser l'équilibre et le bien-être. Ces pratiques peuvent être un peu farfelues pour certains, mais bon, si cela aligne vos chakras et vous apporte la paix intérieure, qui sommes-nous pour en juger? Technique de visualisation avancée. Les techniques de visualisation peuvent talonner votre pratique de la méditation vers de nouveaux sommets, littéralement. Imaginez-vous dans des paysages sereins, des couleurs vibrantes ou entourées d'une lumière apaisante. Engagez tous vos sens dans le processus d'imagination. Les visualisations peuvent aider à cultiver des émotions positives, améliorer la concentration et libérer votre potentiel créatif. Alors allez-y, peignez des images mentales comme Picasso, mais avec moins de peinture et plus de paix intérieure. Intégrer la méditation dans la vie quotidienne. Amener la conscience de l'esprit et du corps dans les activités quotidiennes. La méditation ne doit pas se limiter au coussin. Faites entrer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes en prêtant attention au moment présent. Que vous fassiez la vaisselle, que vous vous brossiez les dents ou que vous vous promeniez dans la nature, engagez tous vos sens dans l'expérience. Savourez chaque bouchée, sentez la texture des objets ou écoutez les sons qui vous entourent. Qui aurait cru que faire la vaisselle pouvait être si zen? Intégrer la pleine conscience dans les relations. La méditation peut également aider à améliorer vos relations. Pratiquez l'écoute active et soyez pleinement présent lorsque vous interagissez avec les autres. Posez votre téléphone, établissez un contact visuel et accordez toute votre attention. Cultivez l'empathie et la compassion, et vos relations prospéreront comme une plante bien arrosée, le voyage de culpabilité lié aux soins des plantes en moi. Utilisation de la méditation pour la gestion du stress. Le stress est notre compagnon constant dans le monde d'aujourd'hui, comme cet ami coulant qui envoie toujours des SMS. La méditation peut être un outil puissant pour gérer le stress. Lorsque vous vous sentez dépassé, faites une pause consciente, fermez les yeux, respirez profondément et portez votre attention sur le moment présent. Remarquez toute tension dans votre corps et laissez-la fondre à chaque respiration. Et si tout le reste échoue, criez dans un oreiller. Assurez-vous simplement que personne ne regarde. Cultivez la gratitude et la compassion par la méditation. La méditation peut nourrir des qualités telles que la gratitude et la compassion. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Envoyez de l'amour bienveillant à vous-même et aux autres. En conclusion, la méditation offre un chemin transformateur vers une plus grande conscience de soi, la paix intérieure et le bien-être général. En comprenant le concept, en explorant différentes techniques et en intégrant la méditation dans notre vie quotidienne, nous pouvons récolter les nombreux avantages qu'elle a à offrir. De l'amélioration de la clarté mentale et de la résilience émotionnelle à la réduction du stress et à l'amélioration de la connexion spirituelle, la méditation a le pouvoir d'avoir un impact positif sur tous les aspects de notre vie. Alors, adoptez la pratique, soyez patient avec vous-même et laissez la méditation vous guider dans un voyage de découverte de soi et de croissance intérieure. Commencez votre pratique de méditation aujourd'hui et libérez le potentiel profond qui se trouve à l'intérieur. FAQ. Combien de temps dois-je méditer pour en ressentir les bienfaits? La durée de la méditation varie d'une personne à l'autre. Bien que certains avantages puissent être ressentis même avec de courtes sessions de 5 à 10 minutes, il est généralement recommandé de viser au moins 20 minutes de méditation par jour pour obtenir des résultats significatifs. La cohérence est essentielle, il est donc préférable d'établir une pratique régulière plutôt que de se concentrer uniquement sur la durée. Est-ce que n'importe qui peut pratiquer la méditation, ou est-ce seulement à des fins spirituelles ou religieuses? La méditation est une pratique qui peut être poursuivie par n'importe qui, indépendamment des croyances religieuses ou spirituelles. Alors que la méditation a ses racines dans diverses traditions spirituelles, elle a évolué pour devenir une pratique laïque qui peut être bénéfique pour les individus de tous les horizons. Il peut être abordé d'un point de vue non religieux comme un moyen de développer la pleine conscience, de réduire le stress et d'améliorer le bien-être général. Que dois-je faire si j'ai du mal à calmer mon esprit pendant la méditation? Apaiser l'esprit peut en effet être un défi, surtout pour les débutants. Il est important de se rappeler que le but de la méditation n'est pas d'arrêter complètement toutes les pensées, mais plutôt de les observer sans jugement et de rediriger doucement l'attention vers le point de méditation choisi, comme la respiration ou un mantra. La persévérance, la patience et une pratique constante sont essentielles pour apaiser progressivement l'esprit au fil du temps. Puis-je méditer dans n'importe quelle position, ou est-ce que la position assise jambes croisées est la seule option? Alors que la posture assise traditionnelle jambes croisées est souvent associée à la méditation, ce n'est pas la seule option. L'aspect le plus important est de trouver une position confortable qui vous permet de maintenir un état alerte mais détendu. Cela peut inclure de s'asseoir sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol, d'utiliser un coussin ou un banc de méditation, ou même de s'entraîner allongé si vous êtes sujet à l'inconfort ou aux limitations physiques. La clé est de trouver une posture qui vous permet d'être présent et concentré pendant votre pratique de la méditation. Page 4, nous allons parler de la méditation en pleine conscience avec quelques exemples de pratiques. Page 4.